Intermède 1er, George Bartram, à l'amiral Bartram, Londres, le 13 avril 1848. Mon cher oncle, une ligne est bien en hâte pour vous prévenir d'un obstacle provisoire sur lequel nous ne comptions ni vous ni moi quand nous prîmes à Saint-Croix congé l'un de l'autre. Il paraît que pendant que je perdais à la grange les derniers jours de la semaine, les Tyrell prenaient leurs arrangements pour quitter Londres. Je reviens justement de Portland Place. La maison est fermée, et la famille, y compris naturellement Miss Vanstone, a quitté hier l'Angleterre pour passer la saison à Paris. Veuillez ne pas vous tourmenter de ce léger échec survenu dès le début. Il n'y a aucune importance grave. Je me suis procuré l'adresse des Tyrell, et je compte, par le courrier de ce soir, les suivre au-delà du détroit. Il ne me faudra pas plus de temps à Paris qu'à Londres pour trouver l'occasion après laquelle je cours. L'herbe ne poussera pas sous mes pieds, c'est moi qui vous en réponds. Cette fois, je prendrai l'occasion aux cheveux, contrairement à mes habitudes, comme si j'étais le plus impétueux anglais des trois royaumes. Et vous pouvez compter que le résultat de ma démarche, dès que je pourrai m'en rendre compte, vous sera communiqué sans retard. Votre bien affectionné, George Bartram. Intermède 2e. George Bartram à Miss Garth, Paris, le 13 avril. Chère Miss Garth, je viens d'écrire, et le cœur bien gros, à mon bon oncle. L'intérêt que vous voulez bien prendre à moi m'oblige, ce me semble, de vous tenir vous aussi au courant de ce qui se passe. Vous comprendrez, j'en suis sûr, tout mon désappointement quand je vous dirai, allant au plus bref et au plus net, que Miss Vanstone m'a refusé. Ma vanité peut m'avoir étrangement égaré, mais j'avoue que je comptais sur une issue bien différente. Ma vanité m'égare peut-être encore, car je dois vous avouer entre nous que je crois Miss Vanstone contrariée de ce refus. Le motif qu'elle donne pour expliquer sa décision, motif suffisant à ses yeux, je n'en doute pas, ne m'a point paru, ne me paraît pas encore de nature à me satisfaire. Avec beaucoup de douceur et de bonté, mais d'une manière très décisive, elle a déclaré que ses malheurs de famille ne lui laissaient d'autre alternative honorable que de songer à mes intérêts mieux que je n'y avais songé moi-même, et de se refuser à ma proposition, si reconnaissante qu'elle en fût d'ailleurs. Elle était si péniblement agitée que je ne me suis pas cru permis de plaider ma cause comme je l'eusse fait en des circonstances plus favorables. À ma première tentative pour aborder ce que la question pouvait avoir de personnel, Miss Vanstone m'a supplié de l'épargner, et subitement a quitté la chambre. J'ignore donc jusqu'à ce moment si ces malheurs de famille qui élèvent une barrière entre nous signifient le malheur dont ses parents seuls sont responsables, ou celui d'avoir une sœur comme Mrs. Noel Vanstone. De quelque façon qu'elle entende l'obstacle, ce n'en est pas un, à mon avis. Rien ne peut-il l'écarter? Ne reste-t-il vraiment aucune espérance? Pardonnez-moi de vous poser ces questions. Je ne puis tenir contre l'amertume de mon désappointement. Ni elle, ni vous, ni à vrai dire, personne d'autre que moi ne peut savoir à quel point je l'aime. Toujours et bien sincèrement à vous, George Bartram. P.S. Je partirai pour l'Angleterre dans un jour ou deux et traverserai Londres en me rendant à Saint-Croix. Certaines raisons de famille, qui se rattachent à de haïssables questions d'intérêt, me font envisager avec un sentiment voisin de la répugnance l'entrevue que nous allons avoir, mon oncle et moi. Si vous adressez votre réponse à Long's Hotel, vous êtes sûr qu'elle me parviendra. Intermède 3e, Miss Garth à George Bartram, Westmoreland House, le 16 avril. Cher Monsieur Bartram, vous avez eu raison de prévoir que votre lettre me causerait un vrai chagrin. Eussiez-vous supposé en outre qu'elle se mettrait fort en colère, vous ne vous seriez pas trompé de beaucoup. Je ne me fais pas l'orgueil à la perversité des jeunes femmes de notre époque. J'ai eu des nouvelles de Nora, une longue lettre, et qui entre dans les plus minutieux détails. Maintenant, je vais vous témoigner dans toute son étendue la confiance que m'inspire votre honneur et votre discrétion. Dans votre intérêt, dans celui de Nora, je vais vous révéler en quoi consiste le scrupule d'où est sorti ce refus, inspiré par un orgueil insensé. Je suis d'âge à parler franchement. Et je puis vous dire que si elle avait eu la sagesse de se laisser aller à ses entraînements naturels, elle eût accepté vos offres, et cela de tout son cœur. La cause de ce regrettable malentendu n'est ni plus ni moins que votre digne oncle, l'amiral Bartram. Et il paraît que l'amiral avait mis dans sa tête, depuis votre départ, je dois le croire, de se rendre tout seul à Londres, et d'y satisfaire certaines curiosités qui lui étaient venues à propos de Nora, en se rendant à Portland Place, sous prétexte d'y renouveler ses anciennes relations avec les Tyrell. Il y parut à l'heure du lunch, de manière à se trouver avec Nora, et d'après tout ce que j'ai pu recueillir, il se montra plus satisfait d'elle qu'il ne s'y attendait, qu'il ne le souhaitait peut-être en venant ainsi l'examiner. Jusqu'ici, je me borne à des conjectures, mais il est malheureusement certain que, le repas terminé, il eut avec Mrs. Tyrell un long entretien tête-à-tête. Votre nom n'y fut pas prononcé, mais lorsque Nora fut mise sur le tapis, tous deux ne pensaient qu'à vous, cela va sans le dire. L'amiral, qui d'ailleurs lui rendait toute justice, se déclarait profondément ému de pitié en songeant au malheur qui pesait sur l'existence de cette chère enfant. La conduite scandaleuse de sa sœur Magdalene empêcherait toujours celle-ci, craignait-il, de s'établir avantageusement. Qui donc l'épouserait jamais sans lui imposer la condition qu'elle et sa sœur resteraient désormais étrangères l'une à l'autre? Et même alors resterait une objection, sérieuse pour la famille du mari, dans l'inconvénient de se trouver en parenté d'alliance avec une femme comme Mrs. Noël Vanstone. Tout cela sans doute était fort triste, car en somme, la pauvre jeune fille n'y comptait pour rien. Mais il n'en était pas moins vrai que sa sœur jouait dans sa vie le rôle d'un écueil inévitable. Ainsi, poursuivait l'amiral, sans aucun mauvais vouloir positif à l'égard de Nora, mais avec une foi obstinée dans son idée préconçue, laquelle avait les dehors d'un sentiment hostile et devait être, en conséquence, pour des gens doués d'une susceptibilité supérieure à leur jugement, le sujet d'une facile rancune. Mrs. Tyrell, par malheur, est une de ces personnes-là. Elle a le cœur excellent et bon, l'humeur très vive et fort peu de tact. Elle est de plus très attachée à Nora et prend fort à cœur l'avenir de cet enfant. D'après ce qu'on m'a dit, elle répliqua au propos de l'amiral, séance tenante, comme à l'expression d'un sentiment mondain, inspiré par un suprême égoïsme. Puis, quand il ne fut plus là, elle voulut trouver dans ses propos l'insinuation à elle adressée de mettre obstacle aux visites de son neveu, ce qu'elle considérait comme une véritable insulte qu'on était venu lui faire à domicile. Il y avait déjà dans une pareille manière de voir assez peu de bon sens, mais elle tenait en réserve une bien autre absurdité. Dès que votre oncle fut parti, Mrs. Tyrell, fort étourdiment et fort mal à propos, envoya chercher Nora. Puis, après lui avoir répété la conversation qui avait eu lieu, la mit en garde contre l'accueil de l'homme qui joue vis-à-vis de vous le rôle de père, dans le cas où elle accepterait vos propositions de mariage. Si je vous dis que d'une part l'affection de Nora pour sa sœur est demeurée inébranlable dans sa fidélité obstinée, et que de plus elle garde à côté de sa noble résignation une fière susceptibilité pour les dédains de toute espèce, susceptibilité de nature profondément enracinée chez elle, vous comprendrez les véritables motifs de ce refus qui vous a si naturellement et si légitimement désappointé. Le blâme en tout ceci se répartit à peu près également sur trois personnes. Votre oncle a eu tort de donner à ses objections un caractère aussi brusque, aussi peu réfléchi. Mrs. Tyrell a eu tort de laisser prendre le dessus à sa vivacité d'humeur et de se croire insultée alors que personne n'avait l'intention de lui manquer. Nora, finalement, a eu tort de mettre un scrupule d'orgueil et cette confiance fraternelle qu'elle ne saurait faire partager à aucune personne étrangère au-dessus des droits bien préférables d'une affection qui offrait à son avenir toute espèce de garantie. Mais à présent, le mal est fait. Reste la question de savoir si l'on peut y porter remède. J'espère et je crois que cela est possible. Voici à cet égard mon avis. N'acceptez pas ce premier refus. Donnez-lui le temps de réfléchir sur ce qu'elle a fait et d'en venir à le regretter secrètement. Regret infaillible selon moi. Fiez-vous à mon influence sur elle et aux soins que je prendrai de plaider votre cause en toutes circonstances. Guettez avec patience le moment favorable et enfin, renouvelez votre demande. Les hommes habitués, pour la plupart, à n'agir eux-mêmes qu'après réflexion, sont beaucoup trop enclins à croire que les femmes agissent de même. Il n'en est rien, je vous assure. » Les femmes obéissent à une première impulsion, et 9 fois sur 10, elles s'en repentent ensuite le plus sincèrement du monde. D'ici à votre nouvelle demande, si vous jugez à propos de l'affaire, préparez-en le succès en persuadant à votre oncle de changer d'avis, ou tout au moins par une concession bienveillante, de garder ses objections pour lui-même. Mrs. Tyrrell s'est hâtée de conclure qu'il a fait de propos délibérés tout le mal produit par sa démarche, ce qui revient à dire, en d'autres termes, qu'il avait la conviction prophétique, en venant chez Mrs. Tyrrell, de ce que ferait Mrs. Tyrrell aussitôt qu'il l'aurait quittée. J'explique les choses beaucoup plus simplement. Je crois qu'une fois informé de votre attachement, il a tout naturellement éprouvé la curiosité de connaître la personne qui vous l'a inspiré. Je crois ensuite que les louanges peu judicieuses de Mrs. Tyrrell à l'endroit de Nora, irritant peu à peu l'amiral, ont provoqué ses objections à se produire ouvertement. Quoi qu'il en soit, la marche que vous devez suivre est aussi simple dans un cas que dans l'autre. Employez l'influence que vous avez sur votre oncle à lui persuader de réparer sa fausse démarche. Fiez-vous à ma ferme volonté de voir Nora devenue votre femme avant que 6 mois de plus aient passé sur nos têtes, et croyez enfin au vœu de votre amie Harriet Garth. Intermède 4e, Mrs. Drake à George Bartram, St. Crux, le 17 avril. Monsieur, j'adresse ces lignes à l'hôtel où vous descendez d'ordinaire quand vous traversez Londres, dans l'espoir que vous reviendrez de l'étranger assez à temps pour recevoir ma lettre sans trop de délai. J'ai le regret de vous dire que depuis votre départ de St. Crux, quelques événements fâcheux s'y sont produits, et que mon digne maître, l'amiral, est loin de se bien porter comme à l'ordinaire. C'est là le double motif qui me fait vous écrire sous ma responsabilité propre, car votre présence au château me semble nécessaire. Dès les premiers jours du mois, il s'est passé un événement très regrettable. Notre nouvelle parlour maid fut surprise par Mr. Maisie à 1 heure avancée de la nuit. Elle s'était emparée des clés de son maître, explorant en secret les documents de famille conservés dans la bibliothèque de l'Est. Cette jeune fille partit du château le lendemain matin, avant que personne fût levé. Depuis lors, on n'a plus entendu parler d'elle. Cet événement a causé à mon maître beaucoup de tourments et d'inquiétudes. De plus, ce qui a singulièrement empiré les choses, le jour même où fut découverte cette trahison domestique, l'amiral ressentit les premiers symptômes d'une grave inflammation de poitrine. Il ignorait lui-même, et personne n'a pu le savoir, comment il avait pris le froid qui paraît en être la cause. Le docteur fut requis et jusqu'au jour d'avant-hier il put combattre l'inflammation, mais alors elle reparut avec une intensité nouvelle dans des circonstances qui vous affligeront sans doute, car j'éprouve moi-même une véritable peine à vous les faire connaître. À la date que je viens de mentionner, c'est-à-dire le 15 de ce mois, mon maître en personne m'informa qu'une lettre de vous, arrivée le matin de l'étranger, et qui lui apportait de mauvaises nouvelles, le désappointait au plus haut degré. Il ne me dit pas en quoi consistaient ces nouvelles, mais depuis tant d'années que j'ai passé au service de l'amiral, je ne l'ai jamais vu si complètement bouleversé, si différent de lui-même qu'il l'était ce jour-là. Le soir, son malaise parut augmenter. Il était dans un tel état d'irritation qu'il ne pouvait pas même supporter la bruyante respiration de Mr. Maisie, couché comme d'habitude à l'extérieur de sa porte. Il exigea de la manière la plus positive que ce vieux serviteur alla passer la nuit dans une des chambres à coucher. Mr. Maisie, à son grand regret, fut naturellement obligé de se soumettre. Le seul moyen que nous eussions pour empêcher l'amiral de quitter sa chambre pendant son sommeil, si quelqu'un de ses fâcheux accès venait à le reprendre, nous étant ainsi enlevés, nous convînmes, Mr. Maisie et moi, de veiller à tour de rôle pendant toute la nuit, assis près de la porte entrouverte, dans une des chambres inoccupées qui avoisine celle de notre maître. Nous ne pûmes imaginer rien de mieux, sachant que l'amiral ne nous permettrait pas de l'enfermer, et n'ayant pas d'ailleurs à notre disposition la clé de sa chambre, même alors que nous eussions voulu prendre le parti hasardeux de le tenir en charte privée sans sa permission. Je montai la garde pendant les 2 premières heures, et Mr. Maisie ensuite vint me relever. J'étais de retour dans ma chambre déjà depuis quelque temps, lorsque je m'avisai que ce brave homme était un peu sourd, et que si ses yeux venaient à s'appesantir le moins du monde, il ne fallait pas compter sur ses oreilles pour l'avertir de ce qui pourrait arriver. Je passai de nouveau un vêtement et je vins retrouver Mr. Maisie. Il n'était ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, mais entre les deux. Mes craintes me reprirent, et je poussai jusqu'à la chambre de l'amiral. La porte était ouverte, et le lit était vide. Nous descendîmes sur le champ, Mr. Maisie et moi. Nous explorâmes toutes les chambres du nord, l'une après l'autre, sans trouver trace de l'amiral. Je pensai ensuite au salon, et me trouvant la plus alerte des deux, je passai devant pour m'y rendre. Au moment où je tournais l'angle du corridor, je vis mon maître venir à moi par la porte ouverte du salon, dans un état de somnambulisme complet, et portant ses clés à la main. La porte à coulisses était également ouverte derrière lui, et la crainte me vint alors, cette crainte je l'ai encore, que son rêve ne l'eût conduit, à travers la salle des banquets, jusque dans les chambres de l'Est. Nous nous abstîmes de l'éveiller, et le suivîmes pas à pas, jusqu'au moment où de lui-même il revint dans sa chambre à coucher. Le jour suivant, et dès le matin, je le dis à regret, tous les mauvais symptômes reparurent, et aucun des remèdes employés n'a réussi jusqu'à présent à les dissiper. Conformément aux avis du docteur, nous nous sommes abstenus de dire à l'amiral ce qui était arrivé. Il croit encore avoir passé la nuit dans sa chambre, comme de coutume. J'ai pris soin d'entrer dans tous les détails de ce malheureux accident, parce que nous ne désirons, ni Mr. Maisie, ni moi, nous soustraire au blâme que nous aurions pu encourir. Nous avons tous deux agi dans les meilleures intentions, et nous vous supplions tous deux, prenant en considération la grave responsabilité qui pèse sur nous, de venir à Sainte-Croix le plus tôt possible. Notre digne maître est très difficile à diriger, et le docteur pense, comme nous le pensons nous-mêmes, que votre présence au château est absolument indispensable. Je reste, monsieur, avec les respects de Mr. Maisie et les miens, votre très humble servante, Sophia Drake. Intermède 5e, George Bartram à Miss Garth, St. Crux, le 22 avril. Chère Miss Garth, veuillez m'excuser de ne pas vous avoir plus tôt adressé mes remerciements pour la bonne et consolante lettre que vous m'avez écrite. Nous sommes à St. Crux, dans le trouble et la tristesse. Le dépit qu'aurait pu me causer la malheureuse intervention de mon pauvre oncle lors de sa visite à Portland Place a disparu complètement devant le chagrin que j'éprouve en le voyant aux prises avec une maladie sérieuse. Il souffre d'une inflammation interne, résultat d'un rhume violent, et les symptômes qui se sont manifestés indiquent, pour un homme de cet âge, un péril imminent. Nous avons maintenant au château un médecin de Londres. D'ici à peu de jours, je vous donnerai d'autres nouvelles. Veuillez me croire en attendant, avec une gratitude sincère, votre tout dévoué George Bartram. Intermède 6e, Mr. Loscombe à Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn Fields, le 6 mai. Ma chère dame, j'ai reçu à l'improviste certaines informations qui sont, pour vos intérêts, d'une importance capitale. Le décès de l'amiral Bartram m'a été notifié ce matin. Il est mort dans son château le 4 du présent mois. Cet événement met à néant d'un seul coup les considérations sur lesquelles j'avais précédemment tâché d'éveiller votre attention et qui avaient trait à la découverte par vous faite à Sainte-Croix. Tout ce que nous pouvons faire maintenant de plus sage, c'est d'entrer immédiatement en communication avec les exécuteurs testamentaires du défunt, en nous adressant à eux tout d'abord, par l'intermédiaire du jurisconsulte qui donnait ses conseils à l'amiral. J'ai fait partir aujourd'hui même une lettre pour l'avocat en question. Elle est destinée à l'avertir purement et simplement que nous avons appris depuis peu l'existence d'un document secret limitant l'usage que le défunt pouvait faire du legs qu'il devait à la libéralité testamentaire de Mr. Noel Vanstone. Ma lettre affirme que le document sera retrouvé sans peine parmi les papiers de l'amiral et me présente comme l'avocat désigné par Mrs. Noel Vanstone pour recevoir en son nom les communications à ceux relatives. L'objet de ces démarches est de faire opérer une recherche spéciale de la contre-lettre, dans le cas fort probable où les exécuteurs ne l'auraient pas encore trouvée, avant qu'on ne prenne les mesures d'usage pour régler l'administration de la fortune laissée par l'amiral. si nous voyons que cette première mise en demeure n'amène aucun résultat, nous menacerons de poursuites légales. Mais je ne prévois pas une nécessité pareille. Les exécuteurs testamentaires de l'amiral Bartram doivent être des gens d'un rang élevé, d'une moralité inattaquable, et ne voudront manquer ni à vous ni à eux-mêmes en omettant de rechercher la contre-lettre. Dans de telles circonstances, voici la question que vous me poserez naturellement. Une fois le document retrouvé, quelles perspectives s'ouvriront devant nous ? Ces perspectives ont deux faces, dont l'une est brillante et l'autre n'a rien de flatteur. Commençons par la première. Dès à présent, que savons-nous ? Nous savons d'abord que la contre-lettre existe bien certainement. Nous savons ensuite qu'une de ses clauses a trait au mariage de Mr. George Bartram dans un temps donné. Nous savons aussi que ce temps, 6 mois à partir de la mort de votre mari, est écoulé depuis le 3 du courant. En quatrième lieu, nous savons que Mr. George Bartram, j'ai pris là-dessus mes renseignements, faute d'informations positives que vous m'ayez pu donner, est encore célibataire à l'heure actuelle. La conclusion qui se déduit naturellement de tout ceci, c'est que l'ordre de fait qu'avait en vue l'auteur de la contre-lettre ne s'est pas réalisé à cet égard. Si ce document ne renferme pas d'autres clauses, ou si les autres clauses qu'on y a pu insérer sont devenues sans objet, comme celle dont je viens de parler, je tiens pour impossible, surtout la preuve étant fournie que l'amiral lui-même se regardait comme étroitement lié par la contre-lettre, je tiens pour impossible que ces exécuteurs testamentaires traitent la fortune de votre mari comme faisant légalement partie de la succession de l'amiral Bartram. Il a été fort expressément déclaré légataire d'un capital certain, sous condition de donner au legs tel ou tel emploi déterminé que ce legs ne saurait recevoir désormais. Que faire en pareil cas de ce capital ? Il n'a pas été laissé à l'amiral lui-même, ceci ressort des paroles dont le testateur s'est servi, et l'objet en vue duquel il avait été laissé n'a pas encore été, ne peut être désormais réalisé. J'estime, dans le cas où cette hypothèse se trouverait justifiée, que le capital rentre nécessairement dans la masse des biens laissés par le testateur. Ceci arrivant, c'est la loi qui nécessairement en dispose, et la loi le partage en 2 portions égales. Une moitié revient à la veuve de Mr. Noel Vanstone, restée sans enfant, et l'autre moitié se répartit entre les plus proches parents de Mr. Noel Vanstone. Vous ne manquerez pas de découvrir l'objection qui se présente d'elle-même à cet enchaînement favorable de conséquences, tel que je viens de l'exposer ici. Vous verrez que pour en amener la réalisation, il ne suffit pas d'un seul hasard favorable, mais qu'il faut au contraire une série de circonstances se succédant toutes ainsi que nous pouvons le souhaiter. Sans méconnaître la force de cette objection, je peux vous dire cependant que cette succession de circonstances heureuses n'est pas, à beaucoup près, aussi improbable qu'elle en a l'air au premier coup d'œil. Nous avons toute raison de croire que la contre-lettre, ainsi que le testament, n'a pas été rédigée par un homme de loi. Ceci est tout à fait en notre faveur et doit suffire en soi-même pour faire préconcevoir un doute sur la validité de toutes celles des clauses que nous ne connaissons pas encore. Une autre chance, sur laquelle nous devons faire fond, pourrait se trouver dans ces lignes, écrites d'une main étrangère et placées après la signature sur la 3e page de la contre-lettre, ligne que vous avez vue, mais que malheureusement vous omettez de lire. Toute probabilité les désigne comme ayant été tracées par l'amiral Bartram, et la position qu'elles occupent doit certainement faire supposer qu'elles ont rapport à l'interprétation fort essentielle que lui-même donnait de la contre-lettre, à l'idée qu'il avait des obligations que cette contre-lettre lui imposait. Je n'ai aucun désir de faire naître en vous telle ou telle espérance chimérique, et veux tout simplement vous convaincre que nous avons devant nous une chance digne d'être courue. Je n'insisterai pas sur l'autre face de la perspective qui nous est offerte. D'après ce que je viens de vous dire, vous comprendrez que l'existence d'une seule clause valide, insérée à notre insu dans la contre-lettre, si l'amiral a rempli les obligations qu'elle lui imposait, ou si ses ayants droit sont encore à temps de les remplir, sera nécessairement fatale à nos espérances. Le legs, en pareil cas, serait employé selon l'objet ou les objets que votre mari avait en vue, et dès lors, nous n'aurions plus aucun droit à faire valoir. J'ajoute, sans plus insister, qu'immédiatement après avoir reçu la réponse de l'homme d'affaires chargé de gérer la succession de l'amiral, je m'empresserai de vous faire connaître le résultat de ma démarche. Veuillez me croire, madame, votre très dévoué John Loscombe. Intermède 7e, George Bartram à Miss Garth, St. Crux, le 15 mai. Chère Miss Garth, je vous écris encore, d'abord pour vous remercier de la bonne sympathie que vous m'avez exprimée au sujet de la perte qui vient de m'être infligée, mais aussi et surtout pour vous faire part d'une démarche passablement étrange, tentée auprès des exécuteurs testamentaires de mon oncle, et qui, intéressant personnellement Mrs. Noel Vanstone, ne saurait manquer d'avoir quelque importance à vos yeux ainsi qu'à ceux de sa sœur. Me méfiant à bon droit de mon ignorance en matière de droit, je vous envoie ci incluse une copie de la signification qui nous a faite, au lieu de vous en donner une simple analyse. Vous remarquerez, comme un indice passablement suspect, qu'aucune explication n'est fournie touchant la manière dont a pu être faite, par certaines personnes absolument étrangères à mon oncle, la prétendue découverte d'un de ses secrets les plus intimes. Aussitôt mis au courant de ce qui se passait, les exécuteurs testamentaires se sont adressés à moi. Je n'avais aucun renseignement positif à leur fournir, attendu que mon oncle ne me consultait jamais sur ses affaires. Mais je me suis cru tenu de leur dire que, pendant les derniers 6 mois de sa vie, l'amiral laissait de temps à autre échapper devant moi des expressions d'impatience donnant à penser qu'il était tourmenté par le sentiment de quelque responsabilité secrète. Je dus ajouter qu'il m'avait imposé une très étrange obligation, obligation dont je n'ai jamais pu lui attribuer l'initiative, bien qu'il l'ait revendiquée à maintes et maintes reprises, celle de me marier dans un délai donné, lequel est expiré maintenant, sans quoi se trouverait distraite de ce qu'il me laisse une certaine somme d'argent dont le chiffre correspond, ce me semble, à celui du capital que mon cousin lui a légué par testament. Les exécuteurs ont pensé, comme moi, que cette circonstance donnait quelque ombre de probabilité à une histoire qui, sans cela, leur eût paru tout à fait incroyable, et ils ont décidé qu'on entreprendrait des recherches en règle pour retrouver la contre-lettre dont l'existence est affirmée par le document ci-joint. Mais jusqu'à présent, on n'a rien découvert dans les papiers de l'amiral qui ressemble, de près ou de loin, à la pièce ainsi désignée. Ces recherches, qui ne sont point faciles dans une maison comme celle-ci, se poursuivent avec activité depuis 8 jours. Elles sont surveillées tant par les 2 exécuteurs testamentaires que par l'avocat de mon oncle, lequel est en même temps le confrère et l'ami de Mr. Loscombe, ce dernier chargé des intérêts de Mrs. Noel Vanstone. Cet avocat était compris parmi les personnes chargées de l'enquête à la demande expresse de Mr. Loscombe lui-même. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de ce qu'on cherchait. Des milliers de lettres ont été passées en revue, et pas une n'a le moindre rapport avec celle que nous nous efforçons de retrouver. 8 jours encore et les recherches seront finies. C'est à ma requête expresse qu'on y a ainsi persévéré. Mais, puisque la générosité de l'amiral m'a fait l'unique héritier de tout ce qu'il possédait au monde, je suis tenu, ce me semble, de faire pleinement droit aux intérêts d'autrui, même alors que ses intérêts se trouvent le plus opposés aux miens. Par ce motif, je n'ai pas hésité à révéler, devant l'homme de loi, une infirmité constitutionnelle de mon pauvre oncle, infirmité qui, sur sa demande, n'avait été dévoilée à personne en dehors du cercle de famille, c'est-à-dire sa tendance au somnambulisme. J'ai raconté qu'environ 3 semaines avant sa mort, la femme de charge et un vieux serviteur à lui l'avaient surpris se promenant tout endormi et que, d'après l'endroit où il avait été vu, d'après la corbeille de clés qu'il portait à la main, on avait dû supposer qu'il venait d'une des chambres situées dans l'aile orientale et que sans doute il y avait ouvert quelques meubles. J'étonnais beaucoup l'avocat, lequel paraissait ignorer les faits et gestes si extraordinaires dont les somnambules donnent à chaque instant le spectacle, en lui apprenant que mon oncle retrouvait son chemin dans le château, ouvrait et refermait les portes, transportait d'une place à l'autre les objets de tout ordre, lorsqu'il était endormi, sans plus de peine que pendant ses veilles. Et tant qu'il me resterait, ajoutai-je, le plus léger doute sur la question de savoir si, pendant la nuit en question, il n'avait pas rêvé d'abord de la contre-lettre, puis, tout endormi, métamorphosé ce rêve en action réelle, ma conscience ne serait pas tranquille, à moins qu'on ne fît de nouvelles fouilles dans l'aile orientale. Je dois remarquer ici qu'aucun fait positif ne servait de base à cette idée que j'avais conçue. Pendant la dernière période de sa fatale maladie, mon pauvre oncle était tout à fait incapable de s'expliquer sur un sujet quelconque. Depuis l'époque de mon arrivée à St. Croix, au milieu du mois dernier, jusqu'au jour de sa mort, il ne lui est pas échappé un seul mot qui se rattacha de près ou de loin à l'existence de la contre-lettre. Les choses en restent donc là, pour le présent. Si vous jugez convenable de communiquer à Miss Vanstone le contenu de cette lettre, veuillez lui faire remarquer, je vous prie, qu'il n'y aura pas de ma faute si l'assertion de sa sœur, quelque invraisemblable qu'elle puisse paraître aux exécuteurs testamentaires de mon oncle, n'est pas loyalement vérifiée. Croyez-moi, ma chère Miss Garth, toujours bien à vous, George Bartram. P.S. Dès que toutes ces questions d'affaires seront réglées, je voyagerai hors du pays pendant quelques mois pour voir si le changement de lieu n'allégera pas ma tristesse. Le château sera fermé. Mrs. Drake sera chargée d'y exercer la surveillance nécessaire. Je n'ai point oublié le désir que vous manifestiez un jour devant moi de visiter St. Croix, s'il vous arrivait jamais de vous trouver dans les environs de cette résidence. Sans savoir au juste s'il était probable que vous vinssiez, pendant mon absence, parcourir le comté d'Essex, j'ai pris mes précautions contre le désappointement que vous pourriez éprouver, et j'ai chargé Mrs. Drake de mettre à votre disposition, ainsi qu'à celle de vos amis, la libre entrée du château et de toutes ses dépendances. Intermède 8e, Mr. Loscombe à Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn Fields. Ma chère dame, après 15 jours de recherche, dirigé, je suis obligé de le reconnaître avec le zèle le plus consciencieux et le plus infatigable, on n'a rien trouvé qui ressemblât à la contre-lettre parmi les papiers que feu l'amiral Bartram a laissés à St. Croix. Dans ces circonstances, les exécuteurs testamentaires se sont décidés à prendre pour guide unique, dans la mission qu'ils ont à remplir, le seul témoignage authentique des volontés de leur mandataire, à savoir le testament même de l'amiral. Cet acte, rédigé il y a quelques années, lègue à son neveu la totalité de ses biens, tant réels que personnels, c'est-à-dire toutes les terres et tous les capitaux dont il se trouvera propriétaire à l'époque de sa mort. Ce testament est clair. Ses résultats sont inévitables. La fortune de votre mari se trouve dès ce moment perdue pour vous. Mr. George Bartram en hérite au même titre que du château et du domaine de St. Croix. Je ne ferai aucune remarque sur cette étrange issue de l'affaire où nous étions engagés. La contre-lettre peut avoir été détruite, ou bien encore se trouver cachée de manière à défier les recherches les plus patientes et les plus longues. Nous n'avons maintenant, ni vous ni moi, le loisir de nous livrer à de vaines spéculations sur cet objet. Je n'ajouterai pas à votre désappointement la moindre allusion au temps et à l'argent que m'a fait perdre cette malheureuse tentative, entreprise pour faire valoir vos droits. Je dirai simplement que vous devez désormais regarder comme absolument terminée mon intervention, personnelle ou professionnelle, dans les affaires qui vous concernent. Votre très obéissant serviteur, John Loscombe. Intermède 9e, Mrs. Roddock, maîtresse d'hôtel garnie, à Mr. Loscombe. Park Terrace, St. John's Wood, le 2 juin. Monsieur. Chargé par Mrs. Noel Vanstone de porter à la poste les lettres qu'elle vous adressait, et ne connaissant personne autre à qui je puisse écrire, je viens vous demander si vous êtes en relation avec quelqu'un de ses amis, car il me paraît convenable qu'il soit incité à faire quelque chose pour cette pauvre dame. C'est au mois de novembre dernier que Mrs. Vanstone est venue pour la première fois en compagnie d'une femme de chambre occuper l'appartement dont je dispose. Cette fois-là, non plus que celle-ci, elle ne m'a donné aucun motif de plainte. Elle s'est conduite comme une personne bien née, me payant exactement ce qu'elle me devait. Je vous écris en ma qualité de mère de famille, et pour échapper à une responsabilité que je comprends. Aucun motif intéressé ne m'a fait prendre la plume. Après un congé régulièrement donné, Mrs. Vanstone, qui maintenant n'a personne pour la servir, doit sortir demain de chez moi. Elle ne m'a pas caché que ses ressources pécuniaires sont au plus bas, et qu'il lui est impossible de continuer à résider dans ma maison. C'est là toute l'explication qu'elle m'a donnée. Je ne sais ni où elle va, ni ce qu'elle entend faire désormais, mais j'ai toute raison de supposer qu'elle entend, après être sortie de chez moi, faire perdre ses traces à quiconque voudrait la découvrir, car je l'ai surprise hier tout en larmes, brûlant des lettres qui devaient être à coup sûr celles de ses amis. Son aspect, sa conduite, se sont modifiés d'une manière très affligeante dans le cours de la dernière semaine. Elle doit avoir sur la conscience, à mon avis, quelques troubles effrayants, et je crains, d'après ce que je vois d'elle, qu'elle ne soit sur le point de faire une sérieuse maladie. Il est vraiment triste qu'une jeune femme comme elle soit aussi complètement abandonnée, aussi dépourvue de tout amical appui. Excusez, je vous prie, mon importunité. J'aurais manqué à ma conscience en ne vous écrivant point. Si vous connaissez quelqu'un de ses parents, veuillez les prévenir qu'il n'y a pas de temps à perdre. S'ils laissent passer demain, ils renoncent peut-être à la dernière chance qu'ils aient de la retrouver. Votre humble servante, Catherine Ruddock. Intermède 10e, Mr. Loscombe à Mrs. Ruddock, Lincoln's Inn Fields, le 2 juin. Madame, mes seuls rapports avec Mrs. Vanstone étaient ceux d'un avocat avec sa cliente, et ces rapports n'existent plus maintenant. Je ne connais aucun de ses amis, et je ne saurais me charger d'intervenir personnellement, soit dans ses démarches actuelles, soit dans ses destinées à venir. Déplorant de ne pouvoir vous venir en aide, en aucune façon, je suis, madame, votre obéissant serviteur, John Loscombe.